Papa Felingono, Pepe Abana, Edo Muzamba, Bariki Tadisi, Jonathan Matantie, Chancel Vimbala, Ambrase Yoba, Colonel. Déception, réverie, Kioskena. Tata, Mimi Biuma, Norbert Lozao, Prison Mama. Bawa eu, ça débordé. Toujours, on a dit bon gavis, Adrich Amotomètre, sénateur Fidel Paï, JR Vena de Ferland. Dodo Ngombe, Yaya Djenko. Comme il frappe frappé na bambilinga bilinga ya lolango. Et comme il frappe na bambilinga bilinga ya lolango, motema. Elvis Matansi, champagne de Paris. Elvis Matansi, wapi flora. Ce qui pauvre père a ce problème, on a mon coup à nini. Ta père, ça c'est mon salimata. Et même le poisson, j'ai un gros couleur à bolingo et côté pito palé. Kato mandala chambre à bolingo et toboki fidèle au bois industriel oxygène à l'okumu évite mbangu mbangu tout d'air yaba souvenir j'ignore mon combat moi la salongo Ilus Nsungu Cadastre, Olivier Wandango Vredjo. Pessinga ya famille katana kate, ne jengo no oyebi. Procès d'amour, article pa wuta wapie. La maternité jamais pas tout n'a pas alliance na moisi. Avant abota. Qui a les bombes nounou? Sole Bwangala, Robert Bassende, les correcteurs. De la yas apologie. Et menza ou mona. Souci comme un peu identifié, n'aï boutouna moïe. La frontière a pas décalé. Esmeralda, Morena, na Jacqueline Matansi. Banana. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Extreme.